love. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Bonsoir, Dandy. Quel bonheur de vous retrouver sur la fréquence 89.5 de Radio Audio. Bonsoir, Gento. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle et grande saison avec une formule inédite. N'est-ce pas, Dandy ? Oui, en effet, Gento. L'émission sera dès à présent diffusée tous les troisièmes jeudis du mois de 22h à minuit. Non plus pour une, mais 2 heures d'amour, de douceur et de volupté. Nous avons glané durant tout l'été des musiques, des sons et autres exotiques curiosités pour votre plaisir. Oh oui, pour le plaisir. Commençons notre voyage avec une musique traditionnelle de Thaïlande, la danse des montagnes. Puis enchaînons avec Oben Ungut and Jalan Buntu with group Uang Wayang of Palembang. Thank you. Oben Ungu and Jalan Buntu with group Uang Wayang of Palembang de l'album 1951. Sumatran ladies wearing hats as outlawed by government avec Dimana Cepeda Cota et Dada Bessar. Kepala est un album enregistré sur les rives du lac Toba en 1981. Les compositeurs Obeng Ungu et Jalan Buntu se sont inspirés des premières années tragiques de l'indépendance de l'Indonésie. Cet album a été brillamment restauré par Matt Wand, membre du groupe Stackhausen and Waldman, qui l'a sorti sur le label Hot Hair, dont les productions sont toutes plus étonnantes les unes que les autres. Cela vous a plu, Chento? Oh oui, Dandy, j'adore voyager. C'est vous, Chento, qui me faites voyager. Vous ne perdez jamais le nord, Dandy. Mais vous êtes une étoile, Chento. Et vous, vous êtes une coquine crapule, Dandy. Mais partons. Oui. Oui. Partons. Où? Partons en Italie. En Italie, allons voir nos amis Fumonero et leur ragazzi, voulez-vous? Oh oui, et laissons-nous aussi pénétrer par le chant des gibbons que nous propose l'orchestre inachevé et sa pièce intitulée « Espace rythmique, étude sur le chant des gibbons ». kana. Ya mono ni mo tsukazu naku hibari. Une alouette qui chante sans s'en tenir à la nature sauvage ou aux choses. I don't want to leave you ever. And that's a long, long time. And if by chance that I do, would you be gone? If you speak to me in Latin, as a cloud appears in spring, undulatus aspirata, as such a tawny dream. And it was raining like a movie, and it was hard to look away. And as we spoke to one another, we held our gaze. talk of love in Tennessee, of the beauty of the subtlety. If I had some people on the gravel road, we were out there in the farmland. And I turned my head back to the crowd. Could almost sense their glory. And if you took just a few more steps, you could join them in the hustle. Do the hustle. Do the hustle. Can see the future in the air with you sleeping in the morning. And if all our efforts led to this, and how it barely slipped away through the hustle. Dites-moi, cher Dandy. Oui, Gento. Mais je reconnais cette musique. Eh oui, c'est la musique du tarot. Mais d'abord, présentez-nous ce que nous venons d'écouter. Eh bien, nous avons écouté ce magnifique morceau de Langshot. The Hustle. Eh bien, c'est le moment tant attendu de notre moment rituel magico musical sensualo tarotique. Nous allons vous laisser vous concentrer, Dandy. Merci. Ce soir, c'est le grand Dandy Slim qui tirera les trois cartes de notre jeu de tarot afin que cela nous inspire un morceau que nous vous soumettrons. Donc Dandy est en train de rentrer dans une concentration profonde. Vous l'entendez respirer. Il est un peu effrayant. C'est fascinant. Je le vois. Il est très calme ce soir. C'est un tirage des profondeurs, certainement. Il se saisit du jeu de cartes. Oui, Dandy. Oh, mais c'est étrange. Il le jette par terre et il le mélange comme ça, de façon complètement chaotique. Là, il se calme. Ah, et trois cartes surgissent. Alors, nous allons laisser Dandy reprendre son souffle un instant afin de nous délivrer les trois cartes du tirage de ce soir. Allez-y doucement, Dandy. Voulez-vous nous dire? La papesse. Première carte, la papesse. La justice. Oh, oh, un tirage de femme puissante. Le monde. Mazette, mais c'est un fort bon tirage, Dandy, ce soir. Nous allons le laisser reprendre son souffle et écouter en attendant. Eh bien, les Éthiopiques, formidable collection de musiques éthiopiennes, des années 50 à 70, n'est-ce pas, Dandy ? Tout à fait. Et en l'occurrence, nous allons écouter le magnifique Hamoud Ahmed et son saxophone incroyable sur Ambassade. Yitayale zema ደብር ላይ ሲደርሱ ይታያል ዝማ ከንፈረም ስንከነው ላወቀበትማ ያን ባስልት ማጋቺ አውቅሚ ጓኚ ያን ባስልት ማጋቺ አውቅሚ ጓኚ በበሺ ታይላይ አንቺን ታለብኝ ያን ባስል ዘንጀሮ ሲዳጎን ብሶ ያን ባስል ዘንጀሮ ሲዳጎን ብሶ ሲመለስ ቀናለ የልቦና ድርሶ እንደምን ዋይንሽ ጥቁርና ነጩ እንደምን ዋይንሽ ጥቁርና ነጩ እንደ ባለ ስልጣን ቆራጩ ፈላጩ አንቺ ምን ታደርጊ እኔም እኔ አኮራሁሽ አንቺ ምን ታደርጊ እኔ አኮራሁሽ ካልተፋፍርን ባ ልቤን ሰጥቼሽ ልቤማለ ባሙ ሄደገሰ ገሰ ልቤማለ ባሙ ሄደገሰ ገሰ አይኔ በስንፍናው ቀረያለቀሰ ያን ባስልን ዳገት ዝንጀሮዩ ታውም ያን ባስልን ዳገት ዝንጀሮዩ ታውም ሰው ከተፋቀረ እንከና ያጣው ያንቺ ናመቱና ለኔ ነገሩና የኔን ወሰዱና ላንቺ ነገሩና ተደላድለው ተኙ አለያዩንና C'est vrai, quel saxophone. N'est-ce pas? Revenons à nos moutons, Dandy. Je vous rappelle le tirage de ce soir. La papesse, l'impératrice, n'était-ce pas la justice, excusez-moi, et le monde. Auriez-vous des choses à nous dire, Dandy? Oui, tout à fait. La papesse, n'était-ce pas un moment de méditation? C'est ce qu'elle m'inspire, en tout cas. En tout cas, c'est une femme d'études, dans la solitude, qui étudie son fameux livre de chair. Et qui semble, par la justice, réajuster certaines choses. Équilibré. Tout à fait. La justice n'est-elle pas l'injustesse? Oh, celle du cœur, bien sûr. Bien sûr, notre propre justesse. Après avoir équilibré, me semble-t-il, que cela nous amène... Nouvelle naissance, le monde. Car à la fin est le commencement. Et au commencement, et la fin, bien sûr. Est-ce que cela vous inspire un morceau? Moi, j'ai bien quelque chose qui me vient. Mais dites-moi donc. Je pense immédiatement à une musique que m'aura fait connaître mon cher ami Max Adizi. Et je vous propose Ostinkoas, Texa, Agira Girar. Faites-nous donc écouter ce Ostinkoas.

Oh, je ne peux pas vous dire ce que me fait la voix diphoniquement sexy d'Albert Cuvezin, chanteur de Yatra, avec son chant de gorge, Koumei, dans ce Soluncha Gai Sovet Shurtum. Dites-moi, ma chère Gianto, n'est-il pas venu le moment de notre rendez-vous Love, Love, Love Cover? Mais oui, Dandy. Il est l'heure de découvrir. Oh oui, découvrez-vous, Gianto. Oh, mais Dandy, vous êtes intenable. Je disais donc de découvrir une version revisitée d'un morceau célèbre, ou non? Mais oui, Gianto. Aujourd'hui, nous vous proposons un morceau de Leonard Cohen, Avalanche, dans la version plutôt écorchée de Nick Cave. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 ou radiodio.org. I've begun to ask for you.

辛い命が痛い。

Billie Eilish. Jeune prodige, accompagnée de son frère à la production. Même lorsqu'elle est en colère avec ce I didn't change my number, Billie reste délicieusement sensuelle. Vous ne trouvez pas, bientôt? Oui, oui. Bah, je suis aussi très, très sensible à la puissance charismatique de Luc. Luc Ferrari. En effet. Que nous avons écouté. Suivi de ce gâteau à la crème japonais dont nous ne pouvons vous délivrer le nom puisque nous ne les avons pas encore japonais. This town is without care, rebuilt for years on piles of air. What is this town if short of breath, it chokes itself to selfish death? What is this? this town is full of cats. The place is packed with doggone rats. A chance to sit when parks we pass, leisurely on turf free grass. A chance to skip the traffic lights and cross the main roads without fright. A chance to see in shopping streets glad non-consuming eyes to me. Just anywhere, there's always streets up for repair. A chance to find a place to stay, unless you pay all the goddamn way. A poor town, this is filled with stone. It leaves no place to call our own. What is this town, if what a joke? All of its pride goes up in smoke. This town is full of cats. The place is packed with doggone rats. No chance to keep wide open house. The city's brains are like mad cows. No chance to deal with businessmen who sell the shit that hits the fan. No chance to give this town a clue. It turns into a concrete zoo. It turns into a concrete zoo. It turns into a concrete zoo. Voyage d'Ibrahim Malouf avec Unsu Selendrici, suivi de Town of Stone du groupe franco-hollandais The End, dont la voix n'est autre que celle de G.W. Sock, chanteur historique de The X. Nous approchons doucement la fin de ces deux heures d'amour. Amour. Amour. Amour. Amour. Profitons-en alors pour vous annoncer que demain, à partir de 19h30, à la guinguette de la Vieille Mule à Saint-Étienne, joueront deux artistes singuliers de la scène underground texane et stéphanoise, Attic Ted et Mika Puce. Nous vous offrons le plaisir, en exclusivité intergalactique, de la première diffusion jamais donnée sur les ondes d'une reprise de Summertime par Mika Puce et Norman Bambi pour vous donner un avant-goût. Oui, Gento. Devons-nous... Oui, je le crois. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouverons très bientôt sur Radio Dio. Et en podcast ? Le mois prochain. Jeudi 16 décembre. À 22h. Pour 2h. Car 2, c'est 3 fois plus. Love est une émission réalisée par Junto Lamour et Dandy Slim. À la technique, Tandy Slim et Gento l'amour. À la programmation musicale, Gento l'amour et Tandy Slim. Cette émission est animée par Tandy Slim et Gento l'amour sur Radio Dio 89.5. RadioDio.org. Prenons tout de même le temps d'une dernière écoute. Tandy ? Oui, tout à fait. Eh bien, écoutons les murmures délicats de Rudy Vallée and his Connecticut Yankees. Deep, deep night. Deep night. Yeah. that hadn't heard about the fight. I hear the rumbling of the jungle telegram. I smell some burning gasoline. It's green.